Exode chapitre 17. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon leur traite, suivant le mandement de l'Éternel, et ils se campèrent en Réphidim, où il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Et le peuple se souleva contre Moïse, et ils lui dirent, « Donnez-nous de l'eau pour boire. » Et Moïse leur dit, « Pourquoi vous soulevez-vous contre moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple donc eut soif en ce lieu-là, par faute d'eau, et ainsi le peuple murmura contre Moïse, en disant, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, nous, et nos enfants, et nos troupeaux ?» Et Moïse cria à l'Éternel, en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Dans peu ils me lapideront. » Et l'Éternel répondit à Moïse, « Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. » Prends aussi en ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et viens. Voici, je vais me tenir là devant toi, sur le rocher en Horeb, et tu frapperas le rocher, et il en sortira des eaux, et le peuple boira. Moïse donc fit ainsi, les anciens d'Israël le voyant. Et il nomma le lieu Massa et Meriba, à cause du débat des enfants d'Israël, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, ou non? Alors Amalek vint et livra la bataille à Israël en Réphidim. Et Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, et sors pour combattre contre Amalek, et je me tiendrai demain au sommet du coteau, et la verge de Dieu sera en ma main. » Et Josué fit comme Moïse lui avait commandé, en combattant contre Amalek, mais Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet du coteau. Et il arrivait que, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était alors le plus fort, mais quand il reposait sa main, alors Amalek était le plus fort. Et les mains de Moïse étant devenues pesantes, ils prirent une pierre, et la mirent sous lui, et il s'assit dessus, et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de ça, et l'autre de là, et ainsi ses mains furent fermes jusqu'au soleil couchant. Josué donc défie Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, « Écris ceci pour mémoire dans un livre, et fais entendre à Josué, que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Et Moïse bâtit un autel, et le nomma, « L'Éternel mon enseigne. » Il dit aussi, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel aura toujours la guerre contre Amalek. »